j'ai dit non au voyage, au nuage de passage. Moi, j'ai dit non au voyage. Mon cœur est amoureux. Et cet amour m'enchaîne. Au voyage, au voyage.